bonjour et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mercredi 11 octobre, nous sommes le deuxième mercredi du mois et c'est le rendez-vous mensuel du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Je me permets de vous signaler que la plage horaire des émissions du GREMOS change en cette rentrée. Ce sera désormais, comme je l'ai dit précédemment, le deuxième mercredi de chaque mois à 17h. Sachez également que vous pouvez réécouter toutes les émissions du GREMOS sur le site de Radio Dio, dans l'onglet podcast, mais aussi sur le site du GREMOS. Donc pour cette émission de rentrée, nous accueillons aujourd'hui Catherine Gauthier, socio-anthropologue. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous serez accompagnée donc pendant cette émission par Jean-Michel Stenner, qui est historien et spécialiste de l'histoire sociale et ouvrière, qui va animer cette rencontre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Oui, tout à fait. Catherine, vous nous présentez aujourd'hui un travail de recherche sur les kebabs dans l'espace urbain que vous avez réalisé en collaboration avec la photographe Sandrine Binou, qui se présente sous la forme d'une exposition intitulée « Sur place ou à emporter » et qui sera mise à l'honneur dans le cadre du Festival ligérien de l'architecture et des territoires. Et il faut savoir aussi que cette exposition, elle sera visible au musée d'Echelette de Roanne les vendredis 13 et samedi 14 octobre 2023. Voilà pour cette présentation. Maintenant Jean-Michel, je vais te laisser la parole pour présenter notre invité. Merci beaucoup Karine. Bonjour Catherine. Bonjour. On se connaît bien Catherine, docteur en anthropologie, t'enseignes à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et tu es membre du GREMOS, dont tu es une des vice-présidentes, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors, tu es socio-anthropologue et réalisatrice. On va beaucoup parler de ton travail de réalisatrice aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, expliquer ce que c'est qu'un socio-anthropologue ? Alors, un socio-anthropologue, on va dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens, à la population et aux relations sociales, aux rapports sociaux, aux conflits sociaux. Et en même temps, à tout ce qui a trait plutôt aux questions d'ordre culturel. Donc, ça peut être l'alimentation, ça peut être la langue, ça c'est le côté plutôt anthropo. Et il y a des sociologues qui travaillent plutôt à partir de statistiques et qui vont essayer de comprendre à partir de grandes cohortes, de grands groupes, les manières de voter, par exemple, ou de consommer. Moi, je fais plutôt une sociologie de l'ordinaire. C'est-à-dire que je vais voir, principalement dans l'espace public ou les lieux de sociabilité, comment les gens se comportent entre eux, les uns vis-à-vis des autres, et ensemble. Voilà, pour aller vite. D'accord. Donc, pour aller vite, un sociologue est un peu plus scientifique qu'un anthropologue ? Non. Ça s'appuie un peu sur des statistiques et des... Oui, disons que... Alors, je dirais pas qu'il est plus scientifique, mais souvent, les sociologues sont plutôt avec des approches quantitatives. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de sociologues qui ont aussi une approche qualitative, et c'est mon cas depuis le début de ma formation, même si je me suis formée aux méthodes quantitatives, mais c'est pas ce que j'ai choisi pour travailler. Donc, tu enseignes à l'école d'architecture de Clermont, tu es maîtresse de conférence, tu as fait une thèse. Oui, c'est ça. Et tu as publié... pas mal d'articles, hein. Je ne vais pas donner tous les titres, on les mettra en ligne sur le site du GREMOS. Mm-hmm. Mais surtout, la raison pour laquelle tu viens aujourd'hui, c'est que tu travailles depuis longtemps sur les cafés et leur rôle, en particulier dans la société stéphanoise, c'est ça ? Les cafés populaires, oui. Dans un premier temps, et plus particulièrement, tu les as étudiés comme espace carrefour de liens dans la communauté des immigrés maghrébins. Et avec l'évolution de l'offre des services de bouche et du développement de la restauration, tu t'es tourné vers un nouvel objet d'étude, les kebabs. C'est ça. Les kebabs qui ont surgi dans le paysage urbain français depuis une vingtaine d'années, mais qui existent depuis plus longtemps en Turquie, qui sont arrivés en Europe via l'Allemagne, puisque l'Allemagne a une grosse communauté turque. Et donc, comme l'a dit Karine, tu as réalisé un film et tu as consacré à ce film, tu vas le présenter, ce film, dans le cadre de l'exposition qui se tient à Roanne, donc les vendredis 13 et 14 octobre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça. Oui, du coup, donc c'est une recherche qui a commencé en 2019 au sein de l'école, mais j'avais déjà un peu commencé à travailler dessus quand j'étais encore à l'école d'architecture de Saint-Étienne, où j'ai travaillé aussi, parce que... parce que justement, je faisais aussi un travail avec un collectif qui s'appelle le collectif Coproc et qui travaillait sur la rénovation du quartier Saint-Roch à Saint-Étienne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de représentation, on va dire, pour être le plus neutre possible, autour de la présence des kebabs dans la rue Antoine-Durafour, qu'on mettait un peu en vis-à-vis par rapport à la question de la vacance commerciale. Le fait qu'il y ait beaucoup de commerces qui soient fermés, et que voilà, et ça se présentait aussi cette question-là dans plusieurs villes de la région. Et donc du coup, j'ai essayé de m'intéresser à d'autres villes. Et du coup, comme j'avais déjà travaillé avec Sandrine Binou pour faire des photos sur la question des cafés, du coup, on a voulu faire ce travail ensemble et on a commencé à arpenter des rues marchandes. Dans plusieurs villes pour essayer de voir ces rues dans lesquelles qu'on pouvait appeler les rues des kebabs. Donc en fait, j'ai présenté ce travail plusieurs fois là sur Radio Dio. Je l'ai présenté en 2020-2021 et sans doute 2022. Je crois que je faisais à peu près une émission par an pour un peu tenir au courant de l'avancée de ce travail. Et en fait, là, je voulais rendre compte de son avancée avec la sortie d'un deuxième film, puisqu'un premier est sorti qui s'appelle Rue des Kebabs, qui fait 12 minutes à peu près et qu'on peut voir sur YouTube. Et que là, donc, un second film s'est terminé à la fin 2022, qui s'appelle Sur place ou à emporter, qui a été programmé au Méliès déjà, au printemps, je crois, et que certains des auditeurs, ont dû voir. Et puis, la dernière phase de travail avait été aussi présentée à la médiathèque de la Ricamari en septembre de l'année dernière. Alors, c'est donc surtout à propos de ce film que tu vas nous informer aujourd'hui, nous expliquer le sens de ton travail. Il y a donc une actualité de ce film, puisque il a déjà été projeté au Méliès, mais il va être projeté dans le cadre de ce fameux festival. Tu peux nous en dire plus ? Oui, pour finir cette année 2023, du coup, il va être projeté le week-end prochain, le samedi 14, dans le cadre du festival du FLAT. C'est un festival donc, qu'on organise avec la Maison Ligérienne de l'Architecture et des Territoires dont je fais partie, qui se déroule à Rouen au musée des Chelettes, et au cours duquel il va y avoir toute une série de choses dont je vous parlerai plutôt à la fin de l'émission. Et donc, dans le musée, en étage, je vais proposer une exposition de, je ne sais plus, une vingtaine de clichés, je crois, qui s'appellera aussi Sur place ou à emporter. Et le soir, donc, c'est à la CCI, la Chambre de commerce, qui a une très belle salle, nous projetterons le film. Chambre de commerce de Rouen. De Rouen, d'accord. Bien sûr. Voilà. Et donc, ce festival, alors, la maison de l'architecture et du la maison territoire. Ligérienne de l'architecture et des territoires. C'est quelque chose de nouveau, d'après ce que oui, tu... Oui, c'est une association qui a 2 ans, qui a intégré le réseau national des maisons de l'architecture. Ouais. Et donc, c'est quelque chose de très sérieux, de très codifié. On travaille surtout autour de l'initiation à l'architecture des jeunes publics, donc plutôt en école primaire. Mmh. Et puis, on anime les journées nationales de l'architecture. Et donc, cette année, leur thème, c'est architecture et transition écologique. Parce que, bon, comme vous le savez sûrement, l'architecture et les architectes sont en première ligne pour influer les adaptations de nos constructions à venir et la rénovation et l'adaptation de nos habitats actuels. D'accord. Et donc ce titre, on va revenir, on reparlera, on annoncera de nouveau tout le programme dans l'agenda à la fin de l'émission. Donc ce titre, Sur place à emporter, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Oui. Hein, sur place ou à emporter. Tu as dit tout à l'heure que ces kebabs, ils se mettaient un peu vis-à-vis des commerces traditionnels. C'est ça. On en reparlera peut-être. Alors, pourquoi le titre ? Alors, pourquoi ce titre ? Donc, Rue des Kebabs, c'était pour faire allusion à la concentration de kebabs sur une rue et à faire allusion comme ça à des espaces publics aussi. Et en fait, sur place ou à emporter, c'est un peu... C'est aussi pour évoquer le fait que... on est sur des pratiques alimentaires qui sont celles de la restauration rapide, en salle, mais aussi en vente à emporter. donc ce qu'on appelle le drive et qui est un peu plus connu et qui s'est répandu beaucoup depuis le Covid. Et puis ce qu'on peut appeler aussi la street food. Et donc en observant ces services, et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi les suivre jusqu'à une autre forme de commercialisation qui est celle de la vente ambulante en camion, qu'on va pouvoir voir au sortir des stades ou encore lors de tournées régulières dans des villages. Comme les camions à pizza. En fait. Comme les camions à pizza, voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à voir aussi sur les nouvelles manières de consommer et d'habiter en milieu rural. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire de kebab, on a voulu aussi la suivre jusque dans nos territoires plus éloignés des grandes villes de notre région. Oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment né dans le milieu urbain, Istanbul, Berlin, Paris, oui, Lyon, Lyon oui. Saint-Etienne, et qui maintenant, dans n'importe quel village, on trouve un kebab quasiment. Eh bien voilà, c'est ça. Ouais, alors, c'est ça. Soit on en trouve un qui est en boutique, soit, parce que dans les gros bourgs, disons, on en trouve maintenant facilement aussi. Et puis, effectivement, avec les camions qui font un peu leur tournée, presque tous les départements autour des grandes villes, on a un camion qui tourne. Voilà. Alors après, il y avait aussi l'idée de parler de mobilité en général. Donc c'est se poser la question de comment un commerce devient un commerce de proximité. Est-ce que c'est seulement parce qu'il est dans notre rue ou est-ce que justement c'est parce qu'il vient à nous, hein, mmh. avec le camion ? Mais il y a aussi la question de la mobilité des nouveaux ruraux qui font la navette entre la ville et la campagne, des jeunes qui partent de leur lieu d'habitation pour aller faire leurs études en internat pour le collège ou le lycée. Et puis les mobilités qui sont plus des mobilités plus comment dirais-je plus longues puisqu'il s'agit des migrations. Voilà. Et c'est vrai que même si on peut pas dire aujourd'hui que le kebab c'est un commerce ethnique, comme on le dirait de commerce qui s'ouvre vraiment par une communauté étrangère à son profit. Parce que là, c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Mmh. Il n'en reste pas moins que c'est très lié à l'émigration turque et kurde, d'ailleurs. Oui. Hein. Mmh. Et que donc, c'est quand même des implantations qui suivent les lieux d'installation des grandes vagues migratoires et puis qui diffusent ensuite sur les territoires. Oui, puis on peut plus facilement migrer avec un kebab à la main qu'avec... je ne sais pas moi, une blanquette de veau par exemple. Non. Alors en tout cas ce qui est sûr c'est que la recette, alors, je ne sais pas s'il faut parler de recette, mais en tout cas le fait de manger des sandwichs de viande. C'est le côté pratique. Voilà, élimés de fines tranches qui sont placées sur une broche, ça vient de la Turquie. Après cette façon de manger plus de type fast food, effectivement, ça a été plus instauré à Berlin et puis ça s'est francisé en France comme ça s'hispanise en Espagne, etc. Ouais. Donc, alors pourquoi tu fais un film ? Alors pourquoi je fais un film ? Eh bien, parce que justement. Normalement, un sociologue, ça écrit. C'est vrai, ça écrit. Ça fait des livres sérieux, voilà. Ça publie des articles dans des revues scientifiques. Que personne ne lit. Presque. En tout cas, pas beaucoup de monde. Et puis là, je me dis, bon, comme je travaille sur des sujets de l'ordinaire, du banal, du quotidien et qui concernent un peu tout le monde, j'ai envie de le faire partager à un plus grand nombre. Et maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille avec le film, les cafés, j'avais fait un film. Quand j'ai travaillé sur les mineurs algériens, il y avait eu aussi un documentaire. Donc l'idée, c'est de partager ça et de rendre un peu plus ces sciences humaines et sociales plus démocratiques et les partager donc avec mes voisins et mes élèves aussi parfois plus facilement et mes collègues et voilà. Et en fait, en plus, je trouve que c'est intéressant parce que il y a des sociologues qui sont de très bons écrivains, il y a des écrivains qui sont de très bons sociologues, je pense à Zola par exemple, ou des auteurs comme ça qui nous font des descriptions de la condition sociale, des relations sociales, voilà, qui sont tout à fait de fins sociologues et anthropologues. Bon, je dirais pas que j'écris mal, mais en tout cas moi j'ai à m'apporter cet outil là et que j'ai eu envie de... Ça permet de toucher plus facilement un public qui n'est pas très tourné vers la lecture. Exactement. Donc ça peut être les plus jeunes ou ça peut être des gens qui ne lisent pas forcément beaucoup, voire qui ne parlent pas très bien notre langue et qui n'iront pas vers ces lectures. même si c'est des lectures plus populaires, parce que je peux aussi publier dans des revues qui ne sont pas des revues scientifiques. Et puis, il y a eu la rencontre avec Sandrine Binou, qui est photographe sur Saint-Étienne, qui enseigne aussi à l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Et plus tard avec Dan Chaldan, qui intervient aussi sur ces ondes. Et donc, on a eu envie d'avancer dans ce travail ensemble. Donc, on s'est rencontrés en cours de projet, mais en tout cas, pour les films, Dan a travaillé avec nous. Et donc, on parcourt les lieux ensemble. Et puis, j'oriente un peu les prises de son et les prises de photos, même si je leur laisse leur part... De création et leur dimension artistique, bien sûr, sur laquelle je compte, parce que la réception est meilleure quand la qualité esthétique est là. Et donc, voilà, on travaille comme ça. Et donc, à Roann, si on en revient au cœur de ce que tu vas annoncer, c'est-à-dire cette exposition, il y a le film, mais il y a aussi l'exposition des photos de Sandrine Binou. C'est ça. J'ai bien compris. En fait, on essaye de créer des événements qui puissent s'inscrire un peu dans la durée. D'ailleurs, je rectifie tout de suite, je n'ai pas été suffisamment précise dans mes notes données à Karine. En fait, l'exposition photo, le musée nous accorde de la laisser une semaine. Ah. Donc, les gens qui ne pourraient pas y aller ce week-end parce qu'ils sont à la fête du livre de Saint-Étienne, par exemple, eh ben, ils pourront, dans la semaine, faire un tour à Roann, se promener dans le centre-ville de Roann, qui est fort agréable. Où il y a de bons kebabs aussi d'ailleurs, et aller voir l'exposition au musée d'Échelette avec la présentation qui en sera faite. Et pour le film, eh ben, il faudra attendre un peu plus tard, on y reviendra. Alors l'expo, donc, construite autour d'idées de, en même temps dans le contexte d'une crise du petit commerce, dont on nous parle depuis... J'irais largement dire jusqu'à 50, depuis 50 ans, hein, parce que le mouvement de Nikou, c'était en 71-72. Hein. Donc, cette crise du petit commerce qui, effectivement, aujourd'hui, quand on traverse certains bourgs du Massif central, on se rend compte que c'est bien déserté. C'est autour de ça que vous avez construit l'exposition, si j'ai bien compris. Oui, en fait l'idée des kebabs, c'était un peu faire un pas de côté et en même temps un pied de nez. Sur ce sujet de la question des centres-villes, en fait, les centres-villes populaires anciens qui sont encore plus touchés par cette crise du petit commerce parce qu'ils ont aussi des publics de proximité qui ont moins les moyens et qui vont chercher à acheter à moindre coût. Et voilà. Et donc, les boucheries ferment, les boulangeries ont du mal, les épiceries aussi. Bon, bref. Et on se rend compte que c'est effectivement le cas dans les villes comme Saint-Étienne, où en plus on a un linéaire de vitrines et de commerce très important parce que le centre est très éclaté. Mais c'est aussi le cas donc, dans des villes plus petites comme Amber, où on a beaucoup travaillé, et dans des petites bourgades. Donc du coup, on a voulu prendre l'angle des kebabs et de la restauration rapide pour les observer. Et là, du coup, on fait un peu le contraire, c'est-à-dire que c'était aussi pour coller un peu à la thématique des Journées nationales de l'architecture et des territoires, qui se pose la question de la transition écologique. On a voulu pointer, en fait, faire une sorte de constat des difficultés du petit commerce et de comment ça se traduit en images, et en même temps montrer qu'il y avait plusieurs solutions qui étaient apportées, des tentatives qui étaient faites en rez-de-chaussée pour du commerce ou de l'associatif, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des boutiques qui s'ouvrent et qui offre des activités associatives. Alors peut-être que du coup, je vais vous faire écouter un morceau de musique que j'aime beaucoup, qui nous a porté pendant la construction du film et qui nous a donné un peu l'envie de bouger et de travailler aussi le film comme un travelling, où on passe d'un lieu à l'autre, d'une boutique à l'autre, d'une rue à l'autre. Et en fait, je parle d'un docu-fiction parce que c'est un travelling de reconstitution. On peut pas vraiment reconnaître sa rue parce qu'on a un peu mélangé toutes les rues. Et où on passe de la ville, des rues, des kebabs en ville, à des espaces ruraux plutôt. Juste une question à la musique. Combien de temps il dure le film ? Le film dure 35 minutes. D'accord. À musique. Donc voilà, on va écouter Altingun qui va nous chanter Goka Dunia. Mm-hmm. On enchaîne du coup, Jean-Michel. Oui, donc je rappelle qu'on est sur 89.5 Radio Dio et l'émission mensuelle du Grémos. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas dit le titre qu'on avait choisi pour cette émission. Ah oui, on avait choisi les cinémas, les kebabs font leur cinéma, c'est ça? Oui, c'est ça. Et un sous-titre, donc à consommer sur place ou à emporter. Voilà, ah. C'est ça. Alors, Catherine, pour faire ce film, vous avez fait une enquête à plusieurs, qui a déjà d'ailleurs été en partie utilisée pour le premier film, Rue des Kebabs, si c'est je comprends ça. Bien. Est-ce que tu peux nous parler des résultats de cette enquête? Alors, les résultats de l'enquête, je vais pas trop les développer ici, mais je vais vous en donner quelques orientations. Pas trop de statistiques, en oui, tout cas. Oui, non. Je m'étais promis que j'en chercherais d'ailleurs un peu pour aujourd'hui, du genre que c'était le troisième plat ou premier plat consommé en France, en boutique ou je ne sais quoi, mais j'ai pas fait ça. Il y a un article qui a été publié dans une revue en ligne qui s'appelle GPS et qui publie de petits articles assez courts. Et du coup, c'est assez sympa à lire parce que c'est rapide. Et en quelques pages, on comprend assez facilement justement un sujet. Et donc là, j'ai essayé de rendre un peu compte de l'étude dans son basculement de l'urbain au rural en plus. Et donc, du coup, de montrer à la fois cet imaginaire qui se véhiculait beaucoup autour des kebabs et qui ont tendance à penser que les kebabs remplacent les commerces traditionnels, alors qu'en fait, ils ne les chassent pas pour s'installer. C'est qu'ils prennent des places qui sont libérées par des commerçants qui s'en vont parce que le quartier est devenu trop pauvre et... plus fréquentés de la même façon, voire... Ou certains. Départ à la retraite aussi. Et puis, effectivement, beaucoup, des départs en retraite qui font que les boutiques ferment parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Et ça, ça m'a été beaucoup souligné, surtout au milieu rural, en fait. Parce qu'en ville, bon, c'est au milieu de tant de choses que c'était peut-être moins pointé du doigt, mais en tout cas, en milieu rural, c'est vraiment ce qui s'est dit. Parce qu'en plus, ils ont beaucoup de mal à réouvrir quelque chose derrière, encore plus qu'en ville. Et donc, du coup... Il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il y a quand même une périphérisation, c'est-à-dire l'installation du petit commerce en périphérie, avec des boulangeries qui s'installent dans des boîtes carrées, en entrée de ville, auxquelles s'ajoute le vendeur de meubles et puis un petit primeur. Voilà, ça c'est par exemple ce qu'on peut observer à Boin, même si c'est un peu ancien. C'est vrai que plus les gens vont à l'extérieur pour installer leur commerce, en recherchant des places de parking gratuites, par exemple, ce qu'on connaît avec nos grands centres commerciaux en ville, bah plus évidemment, ça siphonne l'activité commerciale du centre-ville. Donc, du coup, ça, on l'a observé à partir des kebabs, mais parce qu'il nous fallait un fil rouge, en fait, on aurait pu l'observer à partir d'autres commerces. Voilà, les boulangeries. Mais après, l'avantage, c'est qu'effectivement, quand même, je pense que c'est en observant ça qu'on a pu se rendre compte de la manière dont ils se sont adaptés au Covid. Ça, j'avais dû en parler dans les émissions antérieures, mais ils ont vraiment créé des guichets, en fait, pour pouvoir pratiquer le drive. Et puis, cette question de la livraison à domicile avec une ubérisation de ce commerce. Donc, on peut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, ils ont su se mettre à la page de ce côté-là et à s'accrocher et à continuer à tenir leur boutique grâce à ça. Parfois, d'ailleurs, les boutiques sont vides. On a l'impression qu'il y a des caisses noires qui alimentent ces boutiques vides. Et en fait, non, c'est juste que les gens commandent en ligne et qu'on ne les voit pas dans les boutiques. Ouais, ouais. Bon, après... Alors, est-ce qu'on peut parler de requalification des espaces urbains, des espaces publics, avec cette installation des kebabs? Alors, ça transforme complètement... Alors, je sais pas si ça transforme complètement, parce que d'abord, ce sont des évolutions assez lentes, en fait. On parle souvent de gentrification, et il y a aussi des formes de... Alors, je ne sais pas s'il faut dire de paupérisation, mais en fait, il y a de la paupérisation aussi, mais il y a des quartiers qui deviennent de plus en plus populaires. Parce que les populations plus aisées s'en vont justement dans des quartiers qui sont bourgeoises. Donc les phénomènes se croisent. Donc ça peut changer la configuration des quartiers, ça peut aussi les fragiliser, les déstabiliser. Et puis parfois il y a des opérations urbaines qui soit font le choix d'essayer d'effacer ces traces du populaire, ou alors d'en conserver que le folklore, et d'autres qui, au contraire, les prennent comme des outils potentiels de la redynamisation de ces centres-villes. Donc c'est des options qui ont pu être prises de façon plus ou moins directe à Saint-Étienne, même à Clermont-Ferrand, même si à Clermont-Ferrand c'était un peu plus... Dans l'avenue Charras, c'était un peu plus... politiquement plus dur, je dirais. Et d'autres endroits où on les ignore complètement. Et puis il y a l'exemple de Boin, où en entrée de ville, la municipalité et le petit kebab qui se trouvait là se sont mis d'accord pour permettre à ce commerce de s'étendre et de s'embellir et de pouvoir élargir ses propositions commerciales en installant une grande terrasse couverte, une grande véranda, là où ils ont démoli un pâté de maison vétuste et fait un petit parking. Voilà. Donc, par exemple, ça, ce sont des options plus rares, mais qui sont tout à fait intéressantes à observer aussi. Donc, dans cette enquête, il y a des analyses qui sont à différentes échelles, grandes villes, bourgs, petits villages, c'est bien ce que j'ai oui, compris. Oui, exactement. C'est ça. Et en même temps, je ferai un peu plus technique, mais oui. Alors en école d'architecture, on aime bien parler de dimension interscalaire pour oui. parler de ces différentes échelles. En géographie aussi, oui. Voilà. Et en fait, cette échelle interscalaire, elle se passe aussi au niveau du bâti. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est d'observer la boutique vraiment dans son environnement proche. Dans son détail, d'ailleurs, les photos de Sandrine nous aident à montrer des détails d'aménagement, de décoration, de disposition de l'espace dans la boutique, dans son rapport à l'extérieur ouais. et à l'espace public, la terrasse, la vitrine, ce que j'avais commencé à faire un peu avec les cafés. Et puis dans son rapport à l'immeuble et à son voisinage. Et du coup, en déclinant comme ça sans arrêt les échelles, ben, c'est comme ça en fait, qu'on arrive d'une centralité urbaine à un territoire rural. Voilà. Là, tu nous fais bien comprendre l'intérêt de l'image. L'intérêt du film. Oui. Hein, c'est ça. C'est ça. Les kebabs ont des concurrents, des sandwicheries qui sont plus ou moins liées aux boulangeries dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que ça transforme vraiment les habitudes ou alimentaires des gens? Est-ce que ça transforme la sociabilité? Est-ce que vous avez constaté parler d'interterritorialité, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par là. Oui, en fait, c'est pour dire que quand on regarde la manière de consommer et les formes que prennent les commerces, donc je dirais à la fois en termes de manière de vendre et de boutique, mais en fait, c'est pas... On a tendance à dire que ça modifie les comportements. On a beaucoup parlé de McDo, par exemple, pour ça, les grandes enseignes. Moi, je pense que c'est autrement. En fait, c'est plutôt eux qui surfent sur les nouvelles manières de vivre des gens et qui leur offrent des services appropriés. Alors, je vous donne, pour exemple, justement, on essaye de l'évoquer dans l'expo et dans le film. Comme les gens finissent plus tard, les travailleurs finissent plus tard, quand ils arrivent dans leur leur lotissement en périurbain, tout est fermé. Donc, y a le camion qui peut les approvisionner en kebab, ou en pizza, ou en poulet rôti. Mais il y a aussi des magasins, des commerces qui vont ouvrir des distributeurs. Alors, on le voit en centre-ville, il y a des petites épiceries, dépanneurs. Il y a même une sandwicherie qui s'est installée à Saint-Étienne, dans la rue José Frappa, et qui offre un petit distributeur. Il n'y a pas de boutique derrière. Mais bon, là, c'est autre chose. Mais en milieu rural, il y a des boutiques qui, elles-mêmes, en plus de leur boutique, offrent un distributeur de pain, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout de l'industriel. Hein. C'est du pain artisanal qui est déposé par le boulanger pour que sa clientèle puisse se servir quand il est fermé. Et y a aussi des pizzerias qui font ça avec des boîtes automatiques pour la distribution de pizza qui finissent de cuire. En attendant le client. Voilà, en attendant le client. Enfin, à la commande, même. Plus exactement. Il y a un article du Monde qui est paru il y a quelques temps là-dessus, sur l'automatisation du commerce, et qui est tout à fait dans ce sens-là. Et donc, ce que je parle quand on parle d'interterritorialité, c'est pour faire allusion plutôt à ces territoires qui sont... quand on parle d'espace rural et d'espace urbain, en polarisant les choses comme ça, c'est pas très juste. En fait, il y a un continuum du territoire qui est un peu plus... Un peu moins dense. Voilà. D'accord. Et on va peut-être faire une deuxième pause oui. musicale. Tu nous oui, la présentes bien. Alors, oui, parce que ça va vous surprendre, donc je vous préviens un peu. Il s'agit d'une chanson d'Higelin. Alors, en dehors de beaucoup aimer Higelin, pourquoi cette musique? Parce que d'abord, elle évoque un peu tout ce qu'on... cette aspiration qu'on a depuis les années 70 pour la campagne, avec ces néo-ruraux qui vont s'installer au vert en pensant y être plus tranquille. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, c'est le début des soucis, hein, sur le plan économique, sur le plan des déplacements, finir de payer et d'installer la maison, etc. Avec la crise, on se rend compte que ce n'est pas simple. Mais bon, voilà, donc il y a un peu ce mythe du retour à la nature avec Higelin, qui en plus était sur son double album Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres, avait travaillé à la campagne, dans son jardin, avec ses musiciens. Et il avait écrit ses morceaux sur son piano posé au milieu du jardin. Et donc, il a utilisé les sons de la nature. Et pour moi, c'est une dimension importante de la restitution de cette recherche. On a travaillé beaucoup là-dessus avec Dan, pour essayer de rendre compte de l'ambiance qu'on peut avoir en ville ou à la campagne. Et c'était pour illustrer ça. Alors je précise, il s'agit bien de Jacques Higelin, parce que le nom se décline aussi féminin maintenant. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. J'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est le Concorde. À 40 degrés, mes doigts se rétament aux touches du clavier. Léger, léger, léger, léger, vague à l'âme. Signe d'une flemme incurable, coupable d'avoir déclenché la malignité d'un esprit doué. Pour la paresse. God bless you, le travail me blesse. Se remuer les fesses pour une poignée de sous. Sous fif, sous chef, souffre douleur en dessous de tout. Très peu pour mon goût de l'ivresse. Excès de vitesse, ça mène où? Viens la dépresse avec une laisse autour de ton cou. Fly around, fly around, fly around. Bien, merci Jacques Higelin. Vous êtes sur Radio Dio 89.5, l'émission mensuelle du Grémos qui, à partir de cette rentrée 2023, se tient donc le mercredi à 17h. Et nous sommes avec Catherine Gauthier, socio-anthropologue, qui nous parle d'un film qu'elle a fait réaliser sur les kebabs, à manger sur place ou à emporter, et surtout d'une exposition qui a lieu au musée des Chelettes à Rouen. Donc, quel rapport entre les kebabs et l'architecture? C'est une question à se poser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on me la pose d'ailleurs souvent en me disant « Mais comment tu fais ça dans une école d'architecture? Pourquoi ça dans le festival ?» Il faut justifier un peu les choses et c'est normal. Mais en fait, c'est ce que je commençais un peu à expliquer en fait. C'est que ce sont des objets de recherche, des lieux d'observation. Alors déjà, c'est un peu comme les cafés, un peu comme je l'avais vu avec les cafés. En fait, moi dans les cafés, je ne m'intéressais pas la consommation, je ne m'intéressais pas à ce qu'on buvait dans les cafés. Et là, pareil, en fait, hein, quand je m'intéresse au kebab, je ne m'intéresse pas tellement aux recettes qu'on y trouve et à la catégorie de viande, même si ça m'est raconté par les clients ou les patrons qui sont fiers de ce qu'ils font. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment ils se font le reflet des transformations de la société et des transformations urbaines, en fait, de la ville ou du village ou du territoire sur lequel ils sont. Donc, transformations qui sont dues au mode de consommation, comme je le disais, mais aussi plus largement aux manières de soigner le bâti. Alors après, ça veut dire manière de soigner, c'est très, très, il y a plein de jugements de valeur là derrière. Hein. Oui. Toutes les catégories sociales n'envisagent pas les choses de la même façon. Tout le monde n'a pas les moyens, artistique, esthétique, de savoir comment faire. Tout le monde n'a pas les moyens financiers non plus. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas la même culture. Et tout le monde n'a pas la même culture. Et du coup, souvent le commerce peut être pris comme quelque chose qu'on voit plus par son intérieur que par son extérieur. Et on n'a pas toujours conscience de l'image qu'on donne. Alors c'est vrai pour les kebabs, mais alors c'est aussi vrai pour tout un tas de professions en relation avec le public. On n'a pas toujours conscience de l'image qu'on donne de soi. Après, on a les moyens de commander ses enseignes et son décor à un architecte d'intérieur, un agenceur d'espace, ou alors on achète tout sur Internet et ça ne tient pas forcément très bien les intempéries et le passage du temps. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi, justement, essayer de comprendre par l'analyse des comportements, de la manière dont on se tient derrière son comptoir, sur le pas de porte, entre deux, comment on discute avec le client, comment tout ça, ça agit sur la manière de concevoir l'espace intérieur et extérieur du lieu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand du coup, effectivement, on fonctionne dans la pluridisciplinarité, ce qui est le cas des architectes. Hein, c'est une formation pluridisciplinaire, même si elle paraît très technique ou très artistique, elle est quand même très pluridisciplinaire. Et les sociologues, ils vont avoir besoin aussi des architectes pour les aider à avoir une lecture de ces établissements. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Charline Soa, par exemple, qui est architecte et qui a travaillé sur la question de la déconstruction, de la décroissance urbaine. Elle a publié plusieurs choses là-dessus et aussi sur la National 7. Donc on a plusieurs points communs sur cette question à la fois des mobilités et de la décroissance urbaine. Et puis il y a aussi le fait qu'on parlait tout à l'heure des différentes échelles. Hein, donc c'est l'architecture, c'est à la fois quelque chose qui s'intéresse à l'échelle d'une parcelle de terrain, mais aussi donc pour une maison, mais aussi pour un immeuble ou un édifice public ou privé, une entreprise. C'est la question de concevoir du bâti, mais c'est aussi le restaurer, un pâté de maison, une rue, une portion de ville, un quartier entier. Et là, en fait, l'architecte, c'est pas forcément quelqu'un qui conçoit, ça peut aussi être quelqu'un qui observe, qui fait un diagnostic, qui fait une sorte d'état des lieux, voire qui essaye à travers son regard et ses compétences, dégager des manières de faire, des enjeux à partir desquels il faudrait penser les choses. Donc une maison, certes, mais aussi voilà, une rue, un quartier. Alors, tu as eu des entretiens avec des propriétaires de kebab, avec des gens du quartier. Tu as essayé de faire interagir un peu une réflexion sur comment les gens vivaient l'arrivée des kebabs. Comment je dis, en tant que sociologue, j'imagine que c'est intéressant de voir l'impact que ça peut avoir sur la sociabilité, attirance ou rejet, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui rejettent. Oui, oui. Hein, on l'a vu dans le cas de la rue des kebabs à Saint-Étienne, par exemple. Donc la méthode, c'est d'abord des entretiens, des enquêtes, de passer au film, je voulais dire. Oui, oui, bien sûr. Alors avant de passer au film, ça s'apparente un peu au repérage pour un documentariste. D'accord. Ou un cinéaste. Mais en fait, effectivement, pour des approches de cet ordre, on va passer beaucoup de temps sur place juste à regarder. Donc à regarder, à s'imprégner un peu de l'ambiance du lieu, d'essayer de comprendre qui est là, pourquoi faire, à quelle heure, parce qu'il y a la question des temporalités qui est très importante aussi, des rythmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent tard la nuit. Voilà, j'ai plus l'âge de sortir en boîte jusqu'à 5h du matin et de manger des kebabs en sortant. Qu'est-ce que tu nous racontes? Moins, disons. Et donc voilà, ça veut dire que ça va faire partie de campagnes d'observation particulières. Ouais. Et puis, ça peut être assister à des réunions publiques, aller rencontrer des élus, lire des comptes rendus de conseils municipaux, lire la presse, discuter avec un autre commerçant du même quartier ou surprendre des conversations. Il y a une sorte de veille, en fait, qu'on met en place. Et à partir de là, on construit des hypothèses. Et puis, c'est là qu'on invite le photographe, le preneur de son à nous suivre. Et puis là, on va avoir des entretiens un peu plus poussés où on va aller auprès de patrons et de leur clientèle. Et on prend les choses un peu sur le vif. Moi, généralement, je ne les préviens pas trop de mon passage. Quand je les préviens, ils voient déjà un peu le dispositif. On passe une première fois, on fait un tour, on explique ce qu'on fait. Quand on a fait un premier film, c'est bien parce qu'on peut leur montrer. Et puis, on essaye de leur montrer quelques photos et on revient leur poser des questions à une heure plus appropriée pour eux. Et voilà, alors ça pose des problèmes importants parce que justement, leur temporalité fait qu'il y a des moments où ils ne sont absolument pas disponibles parce qu'ils travaillent et d'autres où ils ne sont absolument pas disponibles parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, il faut trouver le bon moment. Et puis, il y a aussi des questions de qualité de la lumière, du temps qu'il fait pour prendre les photos. Donc, ça en ajoute. Et enfin, il y a la question de la qualité du son. Et alors, ce sont des endroits qui sont particulièrement ingrats pour prendre le son parce qu'il y a des gros frigos qui font du bruit, qui se déclenchent sans prévenir. Il peut y avoir de la musique. Bon, alors, il faut jouer un peu avec tout ça. Alors, il est question, si j'ai bien lu, de ce que tu as appelé l'architecturologie d'une rue. Oui. Tu nous en dis quelques mots pour... Alors, ce qu'on appellerait l'architecturologie, c'est un peu l'analyse d'un espace par un regard architectural. Donc, on va regarder justement ces différentes échelles dont je parlais tout à l'heure, la manière dont elles se croisent dans le bâti. Ça va être essayer de... Alors, parce qu'en fait, j'ai travaillé à la fois sur, comme je le disais, à la fois sur l'analyse de lieux, de boutiques, mais aussi sur la manière dont elles s'agencent dans une rue et dont elles s'articulent avec l'espace public ou encore l'arrière-boutique, l'arrière-cour, l'immeuble. Et donc, l'architecturologie, c'est essayer d'avoir ce regard-là. Et ça passe souvent par des relevés de dessins. Donc la photo nous aide, mais j'ai eu besoin à certains moments aussi pour la recherche de travailler avec des jeunes architectes, des étudiants, pour qu'ils me fassent ces relevés-là et comprendre un petit peu mieux comment ça se passait. On peut faire des coupes, ce sont les outils de l'architecte en fait. Et donc voilà, donc en fait l'architecturologie c'est un peu un mot savant pour parler de cette analyse architecturale des lieux qu'on va observer. Et qui nous permettent donc de mieux comprendre ce qui se passe en rez-de-chaussée au regard du reste de l'espace. D'accord. Eh bien, on a un gros agenda. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose peut-être où je présente déjà ce que tu dois faire par rapport à ce film, une projection donc en dehors de, on en reparlera tout à la fin de cette exposition qui a lieu à Rouen, mais il y a une projection qui est prévue le 13 décembre, c'est ça ? Alors, on n'est pas tout à fait sûr de la date encore, mais ça sera autour de mi-décembre. Alors, sans doute le 12 ou le 13, on va projeter le film à la Cinémathèque avec Antoine Rava, parce que en fait, j'ai eu envie de toucher, j'essaye de multiplier les lieux pour toucher des publics différents. Et en plus... d'abord, en plus, j'aime bien travailler avec la Cinémathèque. Je trouve cette petite salle intimiste et sympa. C'est facile pour discuter. Et puis, parce qu'il y a un atelier qui va se monter au lycée Jacob Holzer à Firminy avec Louis Brun, qui est enseignant et qui est enseignant en histoire géo, mais qui fait aussi une formation audiovisuelle pour ses étudiants et qui a un site qui s'appelle Le Cafuron et où on retrouve tous leurs travaux. Et c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et ils vont travailler cette année avec Antoine Guériment, qui est documentariste et qui a fait de beaux documentaires aussi. Et ils vont construire un atelier autour des kebabs de Firminy. Et dans ce cadre-là, on va les familiariser avec le sujet, avec cette projection à la Cinémathèque. Et puis, on va voir si on ne peut pas créer un peu des petites choses autour, une balade peut-être un peu aussi dans le quartier, travailler avec d'autres partenaires pour essayer d'amener un public sur cette projection. Et puis, un autre projet aussi que nous avons avec Sandrine, c'est celui d'essayer de publier ces photos sous forme d'ouvrage avec un propos que je pourrais tenir là-dessus et qui sera plutôt sur l'iconographie, l'image un peu, le graphisme de ces kebabs en essayant de retracer un peu des univers et en même temps des portraits à la fois de lieux et de patrons de kebabs. Eh bien, tout ça nous met... l'appétit. L'eau à la bouche. L'eau à la bouche, voilà. Alors donc, le premier festival ligérien d'architecture et des territoires, le FLAT. C'est ça. Hein, a lieu à Rouen, donc vendredi 13 et samedi 14 octobre. Alors au programme, eh bien, pour les enfants, un chantier géant en Capla. Je crois que je vais emmener mon petit-fils. Ah oui, ils adorent. Les ateliers de sensibilisation à la construction architecturale frugale. Qu'est-ce que c'est ça là ? On vient de parler de kebab et que tu nous parles de construction frugale. Bah, en même temps, le kebab, une fois, c'est pas énorme. Hein. Les quantités sont pas. On a souvent l'image de quelque chose de bourratif, mais c'est parce qu'on va le prendre en maxi et qu'en plus on va prendre des frites et qu'on va y mettre une tonne de mayonnaise. Mais c'est pas si lourd que ça quand on n'en mange pas trop. Donc l'architecture frugale. Mais l'architecture frugale, voilà, l'idée de l'architecture frugale, alors c'est un mouvement en fait hein, qui a été lancé par des architectes qui ont voulu montrer qu'on pouvait construire très bien et beau avec moins de matériaux et en tout cas voilà, des matériaux qui sont plus intéressants économiquement et qui en même temps ont moins d'impact écologique, donc utilisent moins de matériaux, moins de matières polluantes ou dont la fabrication pollue. Source de pollution. Et source de pollution, voilà. Et qui vont du coup développer des savoir-faire et revaloriser aussi certaines techniques plus anciennes comme la construction terre, bois, pierre. Et donc là, on va avoir une démonstration de construction en bois. D'accord. Dans la cour du musée lors du festival. Alors il y aura aussi des ateliers dessin, oui. Balades urbaines, donc j'imagine avec... description de bâtiments. Voilà, ouais. Autour de plusieurs de itinéraires dans Rouen. Voilà. Et puis un bâtiment tout à fait intéressant et qui est bien dans le thème de la transition écologique, qui est un nouveau bâtiment de l'IUT, qui est, donc, que je ne connais pas, que je découvrirai à cette occasion, puisque ça sera entre le temps d'exposition et la projection du soir à la CCI. Et le temps fort, c'est bien sûr la projection de ton film. Oui, mais il y a aussi une autre projection qui est très intéressante le vendredi soir, où on va donner un peu plus de place aux femmes architectes, et où ça sera aussi, c'est un très beau documentaire aussi. Bien. La suite de l'agenda, je te donne la parole pour... Oui. Donc, juste pour dire que le programme du festival, vous pouvez le trouver sur Facebook, sur le site de la MLAT 42. Et puis on mettra des informations sur le site de Radio Dio et du Grémos aussi pour que vous puissiez avoir des infos précises plus directement peut-être. Et puis on est aussi sur Instagram, je crois, LinkedIn, oui, bon, bref, tous les réseaux sociaux. Bon, alors sinon, pour l'actualité, effectivement, il y a une... De ton côté, Jean-Michel, le vendredi 13 octobre également, à 19h, donc on se fait un peu concurrence, mais c'est de bonne guerre. C'est vrai. Mais c'est pas dans la même ville. Oui, bah oui. Donc, à 19h, à l'Amicale de Villebeuf-le-Haut, avec Jean-Claude Monneret, vous allez nous présenter un reportage réalisé par Willy Ronis. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui c'est et quel type de reportage bon, c'est? C'est le reportage que Willy Ronis a fait en 1948 sur les mineurs stéphanois. Donc, c'est à propos du livre qu'on a publié l'année dernière et qu'on va présenter dans le cadre d'un quartier. D'accord. Un quartier qui s'appelle Villebeuf-le-Haut et dont beaucoup d'habitants ignorent qu'ils sont sur un quartier minier. Et oui, c'est vrai. Donc, on va essayer de les sensibiliser un petit peu à ça. D'accord. Alors, gros morceau la semaine prochaine, jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21, autour de la marche de 1983, la marche de la liberté et des égalités. Un programme d'abord qui se conjugue avec un colloque qui est organisé par Samir Belkacem à l'université Jean Monnet. Oui. Ensuite, il y a une projection de débat autour du film documentaire de Rokhaya Diallo, Les marches de l'égalité. Qui va avoir lieu où? Alors, normalement, c'est à la Cinémathèque. Oui, c'est à la Cinémathèque. Mmh. Et le soir, à 17h, un vernissage de l'exposition du Grain Magique sur le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre les racismes de 1983, improprement appelée Marche des Beurs. Mmh. Et c'est le réseau Trace qui organise ça. C'est le réseau Trace, tout à fait. Et puis, à l'Amicale laïque du Cré de Roc, à partir de 16h, le samedi 21 octobre, un débat sur l'actualité des luttes pour l'égalité et contre le racisme. Et il y a sans doute beaucoup de choses à dire. Le soir, projection du film Une mémoire vivante, un patrimoine commun de Mognis et Samir Abdallah. Alors tout ça, on peut le trouver en ligne sur... le site du réseau Trace, sur le site de Grémos, et je ne sais pas, sans doute sur le site de Radio Dio. Karine, tu voudrais compléter? Sur le site de Radio Dio, oui, normalement, vous trouverez les informations, oui. Voilà. Je me permets juste de dire que le mois prochain, on aura aussi une photographe dans l'émission, donc... une photographe qui est en résidence aux archives municipales et qui travaille sur le fonds photographique du progrès. Donc avec Caroline Costil, on l'interrogera sur son travail et sur les objectifs de ce travail. Très intéressant. Voilà. Donc Karine, on te laisse conclure. Très bien. Alors merci Catherine, merci Jean-Michel pour ces agendas et ces annonces pour toutes les rencontres et les événements à venir. Je rappelle... que la plage horaire des émissions du Grémos a changé. Donc, c'est le deuxième mercredi du mois à 17h. Donc, tu l'as dit, Jean-Michel, avec cette fois les archives municipales. Voilà, merci à tous les deux. Donc, ce sera le 8 novembre. Exactement, voilà. J'allais le préciser. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos le mercredi 8 novembre à 17h. Bye bye. Toujours avec Karine. Et Axel à la technique. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.